Vous êtes sur Radio Gemozo 107 FM. Vous nous écoutez peut-être sur internet www.radiogemozo.eu. Bonjour à tous et aujourd'hui eh bien, avec nous dans les studios deux invités, Annick et Guillaume. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lia. Bonjour Lia. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Par ce temps merveilleux. Ben ouais, c'est sympa. Ben oui, quand même. Alors, vous n'étiez jamais venu en plus dans les studios de Radio Gemozo. On est ravis, en tout cas, de vous accueillir et merci beaucoup eh bien, d'être parmi nous. Alors, on parle eh bien, d'un événement qui aura lieu très prochainement, le 22 juin, donc pour la fête de la musique, hein, j'imagine. Comment se nomme cet événement particulier? Alors, cet événement se nomme l'Oreille des Bêtes Oseilles. Oui. Donc, nous organisons un après-midi et une soirée-concert autour d'une manifestation brocante donc où sont invités donc tous les artisans, les commerçants qui veulent vendre, qui veulent échanger, qui veulent au niveau brocante aussi des particuliers qui vendent des instruments de musique, enfin tout ce qui est en rapport avec la musique. D'accord. Des collectionneurs, des passionnés. Donc, pour qu'il y ait un maximum d'échanges autour de la musique. Super. Alors, c'est l'association de l'École de musique de Bellefontaine qui organise cet événement. Tout à fait. Vous en faites donc partie tous les deux. Quel est votre rôle au sein de cette association? Alors, moi, je suis trésorière. Oui. Et donc, moi, je suis élève et je fais partie du conseil d'administration. Élève et tu fais partie du conseil d'administration. Voilà. D'accord. Ouais. J'aurais plus dit que tu étais prof. Non, je suis pas prof, je suis pas prof. Pas encore. Alors, il y a combien d'élèves au sein de cette école de musique? Moi, je dirais au moins une bonne 15-20, je pense. D'accord. Après, je connais pas tous les élèves de la partie chant. Il me semble que c'est dans ce pupitre-là qu'ils sont les plus nombreux. Mais oui, ça évolue. Il y en a qui arrivent et qui repartent en cours d'année. Donc, oui. Est-ce que c'est une école de musique qui est établie depuis un moment ou alors elle est un petit peu toute jeune? Elle est établie avec ses hauts et ses bas, donc là on essaye de relancer un peu le dynamisme, oui, pour faire connaître un plus grand nombre donc tout ce qui s'y pratique et puis motiver aussi les jeunes voilà à faire de la musique. Alors justement, qu'est-ce qui s'y pratique? Alors on a des cours de guitare, basse, ouais. Eh oui. guitare basse, batterie, guitare électrique, oui. Ah oui. Batterie, on a des cours de chant avec Letty. Voilà, et on a même le prof de guitare basse qui est saxophoniste, donc il peut même se proposer. Qui donne des cours de saxophone. Voilà. Disons que voilà, c'est. Et il y a les cours de piano qui sont là depuis assez longtemps. D'accord. L'idée, c'est vraiment de développer, et l'idée de cette manifestation, c'est aussi de nous faire connaître et de motiver les gens à y venir. Donc il y aura même une petite prestation des élèves le jour-là. Ah ben c'est super. Voilà, pour montrer qu'en travaillant, on arrive à jouer en individuel et aussi à monter quelque chose ensemble. Alors ce programme, donc, il se passera comment? Par quoi on commence ce 22 juin? Donc c'est samedi 22 juin. Donc il y aura plusieurs endroits. Oui. Donc à l'église, dans l'enceinte de l'église, il y aura donc des concerts de chorale, donc chorale de Bellefontaine, Belly Music, la chorale L'Écho du Connet du Riménil, la chorale des enfants de l'école de Bellefontaine qui viendront également faire une prestation, et un concerto de l'harmonie municipale d'Archette. Oh ben c'est super. Donc tout ça tout au long de l'après-midi dans l'église. En même temps, dans les rues, on va donc il y a plusieurs concerts de jeunes talents locaux, dont les plus connus le groupe Bacchus, Bruno Bianco Calou, ah oui. Lost Minds, Stupid Society et d'autres talents locaux qui viendront s'exprimer. Voilà, il y en aura vraiment pour tout le monde. Hein. On pourra aussi retrouver les Chettas de Xertini qui sont plus dans le traditionnel. Et il y aura aussi Seor, l'univers musical. Et eux, ils sont vraiment sur la musique expérimentale avec de la création d'instruments, un peu de récupération et autres. Et c'est plutôt sympa à découvrir. Ah bah c'est génial quand il y en a pour tout le monde. En plus, c'est super. On peut venir avec toute la famille, passer un bon moment. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc, on va écouter un premier extrait musical. Hein. Tu nous parles de Seor, Guillaume. Alors, on va lancer ce son tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours ensemble pour parler de cet événement qu'organise l'association de l'école de musique de Bellefontaine, l'oreille de Bétoseille, c'est ça ? C'est ça. L'oreille des Bétoseilles, oui. Des Bétoseilles. Ok, alors c'est quoi ce nom ? Alors moi je me suis renseigné un petit peu, en fait les Bétoseilles, en fait c'est l'ancien gentilet qu'on donnait aux Bédifontains d'aujourd'hui. D'accord. Et en fait ça vient du patois béteuse. Qui voulait dire petit lait, petit beurre, le bas beurre en fait. Et les Bellifontains étaient réputés pour aller vendre leur beurre qui était d'excellente qualité sur les marchés du secteur. D'accord. Et principalement sur Remiremont. Bah, c'est super. Donc vraiment là, on est en plein dans le local. Hein. Voilà. Hein. Tout à fait. Ça, c'était important, j'imagine. Bien, voilà, on veut rebooster un petit peu tout ce qui se passe vers Bellefontaine et autres. On se met en cohésion et du coup, on parle du local. Donc, du coup, que des artistes intervenants locaux là pour cet événement ? Oui, pour la plupart, oui. On a The Maniacs qui, eux, viennent de Montbéliard. Ouais. Donc, c'est un peu plus excentré, mais ça reste quand même dans du local. Sinon, oui, la plupart sont du secteur. Quoi. Alors, comment ça s'est organisé, cet événement ? Depuis quand vous travaillez à cette construction, à cette naissance ? Quelques mois déjà. Ouais. On avait déjà organisé donc des soirées-concerts et on s'est dit qu'il faut vraiment faire venir les gens, quoi, faire sortir les gens de chez eux. Donc en touchant le plus de monde possible, donc c'est vrai que le côté brocante, les gens aiment beaucoup. Pour que ce soit en rapport avec la musique, c'est vrai que ça n'existe pas trop dans le coin, des journées comme ça où on peut avoir des échanges entre fabricants, artisans, collectionneurs. Donc voilà l'idée. Et puis, ça s'est mis petit à petit de fil en aiguille. La mairie vous a apporté son soutien pour l'organisation de tout ça ? Oh oui, ouais. La mairie est toujours de très bons soutiens à Bellefontaine. Ouais. Et les élèves qui participent, qui viennent à l'école de musique, ce sont que des enfants de Bellefontaine ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? Il y en a quelques-uns qui viennent d'ailleurs, il y en a qui viennent de Raon-Bois, il y en a qui viennent de... De Balébin. Non, voilà, je suis pas le, malgré ce qu'on pourrait croire, je suis pas le plus jeune des élèves. Il n'y a pas que des enfants. Hein. Ouais, voilà, il n'y a pas que des enfants. Les adultes sont bienvenus aussi. Voilà, on a des profs qui sont vraiment à l'écoute du besoin de l'élève et de l'envie de l'élève à tout âge. C'est vrai que moi, je suis déjà musicien d'autre part, donc j'avais pas nécessairement besoin de découvrir l'univers du solfège et tout ça. Donc, on a vraiment démarré tout de suite dans le concret avec la guitare basse. Et tous les cours sont vraiment faits en corrélation avec le prof. Et voilà, c'est un petit peu aussi par rapport à mes envies et par rapport à ce que lui peut m'apporter. Ah, ça, c'est chouette. Ça enlève le côté un peu rébarbatif parfois que l'on peut retrouver dans certains cours. Donc, vous nous avez bien entendu, hein, que vous soyez adulte, enfant, habitant ou non de Bellefontaine, vous serez les bienvenus eh ben, si vous voulez prendre des cours de musique à l'école de musique de Bellefontaine. Voilà. C'est ça. Venez avec nous. Alors, on parle d'artisans. Est-ce qu'il y en a qui fabriquent, par exemple, des instruments dans ces artisans qui vont venir exposer ? Oui. Alors, moi, je peux parler d'un ami qui s'appelle Gauthier Tisserand, en fait, qui a créé une petite structure qui s'appelle Musical Instruments Innovation. D'accord. Et il fabrique toutes sortes de petits instruments de type mini hang drum ou des petites flûtes en bois. C'est fait en bois de if, donc c'est un bois qui est très facile à travailler. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les tailles, toutes les sonorités et tous les tarifs. Donc après, voilà, n'hésitez pas à venir le découvrir. Il sera en expo toute la journée et il pourra vendre donc ses réalisations. Et puis, il y a une petite démonstration ? On peut. Ouais, c'est super sympa. Tu nous en as ramené quelques échantillons, des mini. C'est super bien. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être se lancer dans deuxième moment musique. On va passer Mlle Letty, hein, que je connais, que j'embrasse très fort. Donc, elle est professeure de chant là-bas. Sur Bellefontaine, ouais. Alors, on écoute Mlle Letty pour le tic-tac de l'horloge et on se retrouve juste après. Café noir, posé sur la table, les yeux dans le vague. Moment de solitude qui réveille nos vieilles habitudes. T'es parti, oubliant tes cigarettes. J'aime à croire que tu reviendras peut-être. Mais ce silence qui résonne me laisse comme une j'aime. J'aime nos échanges, nos rendez-vous, ces instants volés, ce temps pour nous, cette incandescence et ce rythme fou me font perdre mes repères, me laissant dans le flou. De l'horloge, tu le sais, tout peut changer en 7 secondes. N'oublie pas le dictat des aurores. Il est temps de te mettre à l'ombre. Je ferme les volets, je n'y vois plus rien. Toi c'est le vide, c'est certain. Je n'ai pas eu le choix de t'oublier. Pourtant ma folie m'empêche de lâcher. Je n'oublie pas le tic-tac de l'horloge. Tu le sais, tout peut changer en 7 secondes. Je n'oublie pas le dictat des aurores. Il est temps de te mettre à l'ombre. J'ai effacé toutes les traces de ta venue. Plus de parents suspendus, les demain peut-être, les promesses non tenues. Nouvelle oisive, chrysalide, je prends mon envol, je fonce tout droit sans toi. Je n'oublie pas le tic-tac de l'horloge. Tu le sais, tout peut changer en 7 secondes. Je n'oublie pas le tic-tac des aurores. Il est temps de sortir de l'ombre, il est temps de sortir de l'ombre. Nous sommes de retour bien avec nos deux invités qui nous parlent aujourd'hui de, eh bien, de la fête de la musique qui se déroulera à Bellefontaine. Alors c'est pas le 21 comme la fête de la musique, là ça se passe vraiment bien le samedi 22 et c'est plus qu'une fête de la musique, foire de la musique. C'est ça, ouais, foire brocante. Voilà. D'ailleurs, on a encore des places disponibles, donc toutes les personnes qui peuvent être collectionneurs de disques ou d'instruments de musique ou tout objet en fait en rapport avec la musique et la création musicale, voilà, la place est ouverte, ils sont les bienvenus, même s'ils arrivent le jour même, on leur trouvera une petite place sans aucun problème. Ah oui, c'est sympa, et puis en plus le tarif pour exposer est vraiment très très mince, hein, donc n'hésitez pas, 2,50€ le mètre. Voilà. C'est ça. Tout à fait, comme n'hésitez pas à vous faire connaître si jamais, eh bien, vous voulez participer. Alors c'est la première fois que cet événement est créé là à Bellefontaine. Ouais. C'est la première fois qu'on crée, oui, un tel événement avec autant de manifestations dans une journée. Le but, donc, c'est de rapporter un petit peu d'argent au sein de l'école de musique. Cet argent sera redistribué pour faire baisser le coût des cours de musique, en fait, pour donner la possibilité à plus de monde, plus d'enfants, plus même d'adultes, de venir prendre des cours de musique, parce que ça reste quand même un oui. coût important. Tout le monde n'a pas cette chance, donc pour permettre à oui. plus de monde, le plus de monde possible, on espère avoir le maximum de monde le jour-là. Accès à la culture à tous, voilà. Ça c'est super, bravo. Alors donc, le concert à partir de 15h30, hein, ça commencera donc à l'église avec donc, les quelques chorales qui vont venir participer. Comment ça s'est passé pour se mettre en corrélation avec tous ces gens qui vont venir intervenir? Bah, la programmation, on la tient beaucoup à Frédéric Boivin, président de l'association, qui a pris, lui, contact en fait, avec la plupart des intervenants. Et on a lancé quelques appels aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le bouche à oreille des bétoseilles, si je peux dire, a bien fonctionné. Oui, c'est plutôt sympa. Et on rappelle que eh bien, tout ça est gratuit. Voilà, complètement. Hein, pour complètement. Les gens qui vont venir voir. Et ça, bah, c'est plutôt super sympa, encore une fois, accès à la culture. Et voilà, on n'a pas besoin de dépenser des tonnes d'argent pour venir participer. Mais si vous avez envie de boire un coup ou de manger, je suppose que ça sera possible. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y aura possibilité de manger le soir. Il y a une buvette qui sera aussi là. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer une excellente soirée. Et en plus, pour une bonne cause, hein, pour réduire... le tarif des cours aux futurs élèves et aux élèves déjà ici. C'est ça. C'est voilà. ça, exactement. Tout est gratuit, ouvert aux dons, comme ça chacun vient dans la mesure de ses moyens. Et puis voilà, la restauration buvette sera au bénéfice de l'école de musique. Participatif. Alors on a entendu à l'instant Mlle Letty, qui se produira donc à 21h sur scène. On va écouter maintenant Delphine Se Défile qui, elle, eh bien, juste après Mlle Letty sera sur scène dès 22h. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Je me suis levée ce matin, j'ai jeté ma balance par la fenêtre. Ça m'a fait un de ces biens, essayer, ça libère la tête. C'est véditétiquement incorrect, pas de taille sur des étiquettes. On est des femmes, pas du numéro, on ne se résume pas à nos kilos. Oh, oh. Oh, oh. Y'a un rayon pour femme et un rayon grande taille. Si je suis pas chez les femmes, alors je suis quoi? À la mare. 44, c'était la taille de Marilyn. Comme la moitié des filles du pays. Les rondes ne sont pas des ovnis, mais des filles super sexy. C'est des diètes éthiquement incorrectes. Pas des tailles sur les étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Oh oh. Oh. Quand d'autres s'échinent à faire des régimes, je sors de l'abîme des magazines. J'en ai marre de ce traquenard, de ces connards qui ne jugent que par les apparences. Stop à l'intolérance ambiante. Je m'en balance de votre fiche balance. Et je pense que la jouissance a son importance. C'est fait d'éthétiquement incorrect. Pas des tailles sur une étiquette. On est une femme par numéro. On ne se résume pas à nos kilos. Oh oh. Oh oh. Wow, wow, wow, wow, wow. Nous sommes toujours ensemble pour parler de cette fête de la musique brocante qui aura lieu samedi 22 juin à Bellefontaine. Alors on a parlé des chorales qui vont venir intervenir au sein de l'église. Pour le reste, ça se passe où exactement à Bellefontaine? Alors c'est pas énorme Bellefontaine, mais... Alors on va essayer de centraliser une ou deux scènes en fait. Hein. On est encore un petit peu en réflexion sur les finalités même de l'organisation, mais il y aura déjà une... grosse scène principale qui va se trouver vraiment au centre du village, aux abords de la mairie. D'accord. Donc c'est sur cette scène-là que se passera toutes les prestats du soir en fait. Oui. Et pour l'après-midi, vu le nombre de prestataires qu'on a, on se dit qu'on peut peut-être essayer de s'étaler un petit peu dans le village. Donc on va voir si on a la possibilité de créer une deuxième scène. Ah ben voilà, super. Alors, il y a des partenaires qui vous ont donné un coup de pouce pour que cet événement puisse bien avoir lieu. Oui, donc on tenait à remercier les partenaires financiers qui nous ont aidés, donc à financer tous les frais que ça engendre. Oui. Donc, nous avons Mélanie Immobilier qui se situe à Saulxures-sur-Meuselotte. On a Europe Revêtement. Le restaurant, donc, La Fontaine à Bellefontaine. D'accord. Donc, nous avons aussi les fleuristes au Cyclamen à Remiremont. D'accord. Nous avons DMV, le magasin Why Not de Remiremont, l'auto-école CER, et puis également le restaurant chez Christophe de Bellefontaine. Et ben voilà, on les remercie tous d'avoir participé pour que cet événement puisse avoir lieu. Alors on voit qu'il y a différents artistes qui vont venir pour se produire en concert, à notre plus grand bonheur d'ailleurs. Mais les élèves de l'école de musique vont eux aussi participer. Oui, voilà, justement, donc en tant qu'élève, je peux en parler. D'accord. Voilà, rapidement, donc moi je suis inscrit à l'école depuis le début de l'année, là, depuis février. Donc rapidement, on a évoqué la possibilité de se produire ce jour-là. Oui. Et donc on a essayé de choisir un ou deux morceaux qui, en termes de partition musicale, sont pas les plus compliqués. Bah oui. Voilà, qui conviennent à des débutants comme nous. Donc voilà, on va être 5-6 élèves à proposer donc deux morceaux. Donc il y aura Zombie de Cranberries et À nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands. Ah bah c'est super. Voilà. Alors ils font quoi comme instrument de musique les autres? Alors il y aura il y a deux élèves à la batterie. Donc il y a une élève qui fera Zombie et l'autre élève qui fera la batterie, et les trois autres seront nos choristes, nos chanteurs. Ah c'est super. Voilà. Il y a une bonne ambiance entre vous? Ouais, ça se passe bien. On s'est vu encore mercredi dernier pour régler les quelques détails et faire ce qu'on appelle la répétition générale. Ben oui. Donc si, si la presta est à la hauteur de la répétition, ça devrait plaire. Ah bah c'est super. Et puis c'est bien aussi de jouer à plusieurs en groupe, hein, parce que quand on est en cours, bah, on est un petit peu seul, et c'est très important pour progresser avec son professeur. Mais voilà, se produire à plusieurs, ça c'est chouette aussi. Ouais, je pense que c'est le but aussi de l'école, c'est de former tous les élèves musicalement, mais il faut très rapidement leur apprendre à jouer ensemble, puisque la musique partagée, c'est vraiment là qu'elle devient intéressante. Eh bien oui, c'est sûr. Alors on va écouter The Cranberries de Zombie et À nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands, hein, qui vont être joués par ce petit groupe des élèves de l'école de musique de Bellefontaine. Et puis on se retrouve juste après. We'll be right back.

Et voilà, donc il y a Guigui au chant, Lolo et Momo à la gratte, Seb à la batterie. D'accord. Et voilà, on va vous proposer un petit morceau. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le morceau choisi, on entend le petit riff de basse du début effectué par mon prof. Donc voilà, il est vraiment super. Je sais que... en tant que élève adulte et avec les obligations professionnelles que je peux avoir, et ben des fois je l'appelle une heure avant, je suis obligé de décaler le cours et tout. Il est super compréhensif, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire avec lui. Voilà. Bah oui, c'est sûr. Et puis la basse, on aime bien nous, hein. C'est ça. On écoute Bacchus. Allez, allons-y. Allez. Yeah! Nous sommes toujours ensemble avec Guillaume qui est resté quand même pour la fin. Voilà, donc merci Guillaume d'être parmi nous aujourd'hui et bien pour nous parler de cette fameuse brocante fête de la musique. Alors, on a fait un petit peu le programme à l'envers. On va peut-être remettre les choses dans l'ordre. Alors, on a bien compris 14h30, 14h30 à 18h, ça se passera au sein de l'église avec des chorales. Voilà, l'harmonie municipale d'Archette. C'est ça, ouais, ils vont nous interpréter un concerto qui doivent être en train de travailler. Donc ça devrait être plutôt pas mal dans l'église. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment deux points principaux hein, dans l'après-midi. C'est l'église et dans les rues aussi. Hein. Donc dans les rues, ça démarre une heure plus tard. On sera plus sur du 15h30. D'accord. Et donc les chétas, hein, les chétas qui font de la musique traditionnelle, qui eux vont principalement déambuler dans les rues avec des petites prestas devant les exposants. Du coup, donc dès 15h30 dans les rues avec une audition des élèves de piano aussi. Ouais, voilà. Donc ça se passera, si j'ai tout compris, dans la salle de musique, donc dans la salle là où sont donnés les cours. D'accord. Donc c'est au premier étage de la mairie, de la médiathèque, de Bellefontaine. D'accord. Voilà. Puis... donc avec le prof, hein, Monsieur Jean-Michel Géant, qui sera sur place, et donc il y aura peut-être même possibilité de se renseigner pour de futures inscriptions. Ah bah oui, c'est le moment. Ensuite, s'en suivra des concerts donc dans plein de styles différents, avec notamment Bacchus que l'on vient d'écouter, notre ami Calou et plein d'autres. Ouais, voilà, ça va s'enchaîner un petit peu toute l'après-midi. Je me répète, hein, mais la scène reste ouverte, hein, c'est-à-dire que si on a la possibilité d'accueillir des groupes à la dernière minute, on leur fera sans problème une petite place. Alors, on essaiera de pas trop décaler le programme, mais on trouvera une place pour toute ouverte. Expression musicale sur la journée. Oh, ça, c'est chouette. Après, donc, à partir de 19h30, là, on commence donc la soirée avec vous, élèves de l'école de musique. Voilà. Ouais. Après, on va passer un petit peu aussi dans plusieurs styles différents. Ouais, donc à 20h, on va commencer avec Handel with Care. Donc c'est Julien Moritz, et c'est un petit peu l'homme orchestre des temps modernes. Hein. Il travaille principalement avec une boîte à rythme. Il est tout seul sur scène. Et quand on l'écoute, on a là vraiment l'impression qu'ils sont 5-6 comme un vrai groupe. Ah ouais. Et il s'en sort super bien et il met vraiment une bonne ambiance. Quoi. Ah bah écoute, c'est intriguant, on va écouter alors. Allons-y. Bye. Nous sommes toujours avec Guillaume. Voilà, on vient d'entendre, eh bien, Under With Care. C'est ça? Ouais, tu le dis mieux que moi. Ah, c'est ça. Voilà, tu vois, je me suis entraînée pour mon accent. Voilà, qui sera présent à 20h sur scène, voilà, pendant cet événement. Ensuite, on aura Mlle Letty, c'était ça? C'est ça, Mlle Letty à 21h. 22h, Delphine se défile. Et pour finir, à 23h30, on aura The Maniacs. Alors, pour finir, pas vraiment, puisque à la fin de la prestation de The Maniacs, on a Julien, donc Handel With Care, qui reprendra un petit peu les rênes de la sono, et on finira avec une soirée plutôt axée sur de l'électro house, histoire de pousser jusqu'au bout de la nuit. Ah, ça c'est trop bien ça. Alors, qui s'occupe de tout ce qui est ingé son? Alors, c'est Frédéric Badreau de Raon Bois, qui est responsable de l'entreprise Audiophile Studio, que tu as reçu dans ces studios-là il y a peu, si mes souvenirs sont bons. Que j'embrasse. Voilà, je fais un petit clin d'œil justement à Fred. Voilà, c'est on a des entreprises qui arrivent à se créer sur le local. Et voilà, si vous avez envie de le soutenir, surtout actuellement, en fait, il est en train de prévoir l'acquisition d'une petite camionnette pour transporter son matériel. Ah, super. Donc, n'hésitez pas, voilà, il a un petit compte Litchi et vous pouvez faire, hein, voilà, tous les dons du plus petit au plus grand seront accueillis avec grand plaisir. Ah bah, il nous avait caché ça, tu as bien fait de nous le dire. Et bah, c'est super, en tout cas, on a donc vu ensemble toute la programmation qui se déroulera ce 22 juin. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on a pas... Ah bah oui, en cas de mauvais temps, c'est pas grave, hein, si jamais il pleut. On a des solutions de repli. Voilà. On a on parlait du soutien donc de la municipalité, et là justement on aura le prêt de la salle polyvalente si vraiment la météo est mauvaise. Il y a aussi là donc la salle de l'école de musique. Et puis voilà, dans tous les cas, toute l'après-midi se passant principalement à l'église, voilà, on ne sera pas gêné pour ces prestats-là par le mauvais temps. Puis il fera beau. Dans tous les cas, il fait beau. Moi, on l'a pas mis sur le programme, mais normalement, il y a le soleil qui arrive à 13h. Voilà, c'est super. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, eh bien, une page Facebook existe. Hein, où vous retrouverez tout le programme de cet événement, tout ce qui s'y passera. École de musique de Bellefontaine, tout simplement. Voilà, vous pourrez retrouver tous les détails. Surtout si vous êtes exposant, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester, car il y a encore de la place pour vous recevoir et pour que vous exposiez avec grand plaisir, je pense. Combien à peu près d'exposants, est-ce que tu sais? Là, on devrait atteindre une petite dizaine. Après, on a encore des réponses en attente. On est ouvert à toute proposition. Donc là, on aimerait bien, hein, si possible, un collectionneur de disques ou un collectionneur d'instruments. Oui. Ça permettrait aussi de faire découvrir vraiment tout type de musique aux gens de passage. Alors, nous n'avons pas parlé du concours qui sera proposé. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, nous avons décidé de proposer aux élèves de CM1 et de CM2 des écoles du secteur de nous proposer, s'ils le désiraient, la confection d'instruments de musique divers. Donc ils ont la possibilité de venir nous les apporter en début d'après-midi. Il y aura un endroit où les instruments seront exposés. Les gens auront la possibilité de donner leur avis, d'indiquer tout simplement l'instrument qu'ils préfèrent. Et voilà, il y aura beaucoup de lots, donc je pense que la plupart des instruments apportés seront récompensés. Oh bah c'est chouette ça. Alors voilà, je pense que on a tout dit sur cet événement. De toute façon, on remettra le lien de toutes les informations utiles avec le podcast de cette émission. Hein, on vous embrasse tous bien fort. Et puis Guillaume, merci beaucoup d'être venu, ainsi qu'Annick qui est déjà partie. Voilà, merci à toi de nous avoir accueillis. Voilà, j'ai une chose à dire, hein, si vous aimez la musique, cette journée sera pour vous. Eh ben oui, et puis vous retrouverez des talents locaux, etc., etc., et ça, eh ben ça se loupe pas, ça fait plaisir. Voilà, tout pour passer une bonne journée. Voilà, super. Donc on va finir cette émission en écoutant The Maniac présent sur la scène de cet événement. On vous embrasse tous bien fort, on se donne rendez-vous samedi 22 juin à Bellefontaine, et encore merci à nos deux invités, et puis en attendant pour nos auditeurs, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous.